Troisième partie, chapitre 5. Les devoirs particuliers de chaque État et les conseils évangéliques. Première section, les devoirs d'État. Qu'est-ce que les devoirs d'État? Par devoir d'État, on entend les obligations particulières que chacun a par suite de son état, de sa condition et de la situation qu'il occupe. Qui a imposé aux divers états leurs devoirs particuliers? C'est Dieu qui a imposé aux divers états leurs devoirs particuliers, parce que ces devoirs dérivent de ses divins commandements. Expliquez-moi par un exemple comment les devoirs particuliers dérivent des 10 commandements. Dans le 4e commandement, sous le nom de père et de mère, sont compris encore tous nos supérieurs, et ainsi de ce commandement dérivent tous les devoirs d'obéissance, d'amour et de respect des inférieurs envers leurs supérieurs, et tous les devoirs de vigilance qu'ont les supérieurs envers leurs inférieurs. De quel commandement dérivent les devoirs des ouvriers, des commerçants, de ceux qui administrent les biens d'autrui et autres semblables? Les devoirs de fidélité, de sincérité, de justice, d'équité qu'ils ont dérivent du 7e, du 8e et du 10e commandement, qui défendent toute fraude, injustice, négligence et duplicité. De quel commandement dérivent les devoirs des personnes consacrées à Dieu? Les devoirs des personnes consacrées à Dieu dérivent du second commandement, qui ordonne d'accomplir les vœux et les promesses faites à Dieu, car c'est ainsi que ces personnes se sont obligées à l'observation de tous les conseils évangéliques ou de quelques-uns.